Il faut vraiment être demeuré ou cosmonaute pour supporter la présence d'un demeuré ou d'un cosmonaute pendant 6 mois dans l'habitacle épouvantablement exigu d'une cabine spatiale, non ? Moi, je me fais cette réflexion chaque fois que je ressors d'un ascenseur à moitié rempli d'un autre être humain. Je me suis jamais aussi profondément ennuyé qu'au cours de ces expéditions qui vous laissent face à face et ventre à ventre avec un compagnon de voyage qui vous a même pas été présenté et dont vous allez devoir subir l'inopportune présence pendant 10, 20, parfois même 30 secondes pour peu que lui aussi aille au 7e. Ainsi, l'autre soir, cauchemar. Un quadragénaire ordinaire entre sur mes talons dans un ascenseur inconnu. Avant même le lancement de la cabine, qui était prévu aux alentours du moment où l'un ou l'autre se déciderait à appuyer sur le bouton de commande automatique de l'appareil, je devine qu'il ne me faudra attendre de cet être nulle tendresse, nulle chaleur humaine, rien de ces petites attentions délicates partagées qui font le charme des randonnées amicales. De mon côté, je ne me sens en rien poussé vers lui. L'idée ne m'effleure même pas de partager avec lui ma passion pour les chroniques de Vialat ou les Bordeaux vieux, ou mon mépris pour le football et les endives braisées. Ou alors il faut mettre très très peu d'eau afin que l'endive transpire et relever le plat d'une fine pincée de poivre vert moulu qu'on aura soin de saupoudrer en toute fin de cuisson pour n'en pas épuiser le fumet. Entre cet homme et moi, le malaise s'installe dès l'instant du décollage. Alors que je pointe l'index vers le chiffre 7, dans le but de susciter l'impulsion susceptible de provoquer l'ascension de la cabine dont une surpression hydraulique maintenait jusque-là l'adhérence au sol, le bougre a la velléité d'en faire autant. Si bien que nos doigts se croisent assez sottement près du tableau de bord. C'est l'incident ! Aujourd'hui encore, je n'évoque pas sans rougir la consternante banalité du dialogue qui s'ensuivit. Moi, oh ! Lui, moi, lui, quel étage ? Moi, 7e, lui, moi aussi, moi, A, lui... Le décollage, cependant, s'effectue sans histoire. Mais nous avons à peine dépassé le premier étage que je sens son regard posé sur moi. Je plante alors le mien dans le sien, de façon à l'inciter tacitement à détourner les yeux, ce qu'il fait dans un mouvement de menton qui le contraint presque aussitôt à contempler avec fixité le plafond de la cabine. Attitude qui ne fait qu'ajouter au grotesque de notre tête-à-tête, dans la mesure où il n'y a strictement rien à voir sur le plafond de cette cabine, dont la totale platitude n'est pas sans évoquer les plus belles pages de Philippe Solers. Afin de dissiper la gêne de la situation qui devient presque intolérable aux abords du 3e étage, je tente de siffloter à bouche chuintée les 3 premières mesures du refrain des Feuilles mortes de messieurs Prévert et Cosma. Hélas, au même moment, le bougre fait exactement le même raisonnement. Il se met à fredonner le petit quinquin dans un murmure timide, mais parfaitement distinct. Quoiqu'à peine audible, la cacophonie scandaleuse qui en résulte m'atteint comme un camouflet au niveau du 4e. Une bouffée de désespoir existentiel m'envahit. La vie m'apparaît soudain plus vaine et la fraternité humaine plus improbable. Je porte alors ma main à ma bouche pour y moduler un toussotement volontaire destiné à créer la diversion, comme disent les commentateurs de football, dont le quotient intellectuel n'atteint qu'exceptionnellement le chiffre de la température anale. Or, dans ce geste de bienséance ordinaire, je heurte involontairement du coude la zone péri-ombilicale de l'autre, qui me tourne immédiatement le dos dans un mouvement d'autoprotection instinctif auquel, me semble-t-il, il faut ajouter un besoin irrépressible de me masquer son trouble et d'éviter ainsi la reprise du dialogue complètement imbécile déjà entrepris au début. Horreur. À l'issue de ce demi-tour spontané et compte tenu de l'étroitesse de la cabine, cet homme et moi nous retrouvons, malgré la solennité de nos costumes 3 pièces et la stricte sobriété de nos attachés-cases, dans la position équivoque de la sodomie verticale. Aussi inébranlable soit la force tranquille dont sonore mon hétérosexualité latente, malgré aussi la La virilité de la nuque rose et la forte senteur de tabac gris qui émane de l'assujetti social auquel je suis maintenant accolé. J'en viens à prier Dieu de m'épargner la honte suprême d'une involontaire érection. Toujours à craindre en cas de contact intempestif entre deux chairs humaines vivantes. Une telle manifestation de ma sanguinité ne ferait qu'ajouter encore au grotesque de notre duo, notamment aux abords du septième ciel désormais imminent. Et alors même que l'idée de partager la vie de cet homme ne fût-ce qu'une seconde de plus m'apparaît désormais absolument intolérable. Pour comble de misère, je comprends quelques instants après l'atterrissage que cette personne n'est autre que l'homme avec lequel j'ai rendez-vous pour aller visiter sa cave à vin dont il entend céder quelques crus aux plus offrants. Nous reprenons l'ascenseur.